dédiaboliser la biométrique. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de la fin à laquelle on s'en sert, expliquait récemment un avocat spécialiste du droit numérique dans les colonnes d'un excellent magazine. Or, en termes d'usage biométrique, il est intéressant de savoir que la France est le troisième pays qui collecte le plus de données au monde, derrière la Chine et l'Inde. Comment cette collecte dans le domaine judiciaire ou le domaine public transforme-t-elle les liens entre l'État et les citoyens? Ces données irrévocables sont-elles suffisamment sécurisées lorsqu'elles sont employées? Devrait-elle être considérée, tout compte fait, comme un bien public ou un bien commun? Données biométriques, empreintes, fais-moi peur. C'est le programme sécuritaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le traitement, le stockage, l'utilisation et le recours aux données biométriques, évidemment les limites de ces systèmes et de ces usages, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Rosenberger. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Normandie à Caen. Vous êtes professeur des universités à l'ENSI Caen et directeur du laboratoire grec pour groupe de recherche en informatique, images et instrumentation. Et nous sommes ici à la Maison de la Radio à Paris avec Amine Naït Ali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Est Créteil, responsable du groupe de recherche sur la biométrie au laboratoire LICI pour laboratoire, images, signaux et systèmes intelligents. Mais avant cela, nous avons vérifié par tous les moyens qu'il s'agit bien d'elle. Dernière preuve, la voix. Non, Nicolas. Et si c'était bien elle, c'est Natacha Triot pour le Journal des Sciences. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Lorsqu'un adulte et un bébé interagissent ensemble, leurs cerveaux se synchronisent. On sait que les cerveaux des adultes se synchronisent lorsqu'ils regardent des films ou quand ils écoutent des histoires. Mais on sait peu de choses sur la synchronisation neuronale chez les nourrissons. Une étude publiée dans la revue Psychological Science met en lumière ce phénomène. Les chercheurs de l'université de Princeton aux États-Unis ont analysé l'activité cérébrale d'un adulte et de 18 bébés âgés de 10 à 15 mois. Ils se regardaient, se souriaient, jouaient ensemble, etc. L'équipe a observé le cortex préfrontal, le carrefour temporo-pariétal et le cortex pariétal, des zones impliquées dans le traitement du langage et de la communication. On constate que leur cerveau s'influence de manière dynamique. Christine de Ruel est directrice de recherche CNRS à l'Institut Neurosciences de Latimone à Marseille. Ils ont utilisé deux méthodes qui sont un petit peu nouvelles et c'est pour ça aussi que c'est un papier intéressant. C'est que d'une part, ils ont utilisé la méthode qu'on appelle le NIRS, Near Infrared Spectroscopy. Elle repose sur simplement la mesure des variations occasionnées par l'activité cérébrale sur la réponse hémodynamique. Deuxième chose qui est utilisée ici et qui est aussi quelque chose un peu nouveau, c'est de faire ce qu'on appelle de l'hyperscanning, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas seulement le fonctionnement du cerveau chez un individu isolé, mais de manière concomitante entre deux individus qui font la même chose au même moment. Ici, dans l'étude, en fait, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils comparent deux situations expérimentales différentes. Une situation dans laquelle le bébé interagit avec un adulte. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a une activité, mais vraiment très synchrone, des deux cerveaux qu'on enregistre. Les auteurs interprètent ça en disant que cette activité synchrone, donc les deux les cerveaux dans certaines zones cérébrales qui sont importantes pour les interactions sociales et la compréhension du langage, par exemple, cette synchronisation, elle va servir à ce que les deux cerveaux captent l'information et comprennent l'autre de manière très efficiente, puisqu'ils sont vraiment synchrone dans leur activité et donc sur les mêmes activités. Donc il faut penser ça comme un système en fait très dynamique dans lequel l'activité du cerveau va être vraiment un moyen de se parler et de se comprendre de manière très rapide et très efficace du coup. Voilà, vous pouvez retrouver hein, comme tous les jours le lien vers l'étude de Psychological Science ainsi que vers toutes les autres études sur notre fil Twitter @laméthodefc, fil que vous pouvez retrouver sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Les greffes de dons d'organes reculent en France. Et c'est la conclusion de l'enquête de l'association France Transplante. Selon ce rapport, les attentes de transplantation augmentent, mais le don d'organes, lui, stagne. Une pénurie d'organes qui provoque la mort de 500 à 800 patients chaque année. L'association estime que 24 000 patients sont dans l'attente d'une greffe, mais que seulement 6 000 recevront un greffon. Seul un site sur 10 respecte le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Et depuis un an et demi, sur chaque site internet, des bannières nous demandent notre consentement pour collecter nos données personnelles et pour installer des cookies. Dans une prépublication parue dans Archive, des chercheurs américains ont analysé près de 10 000 sites. Conclusion, 88% ne respectent pas le RGPD. Pour rappel, rejeter tous les cookies, cela doit être aussi simple que de les accepter et les cases ne doivent pas être précochées. L'étude constate aussi qu'il existe très rarement un onglet « tout refuser ». Bref, ce papier dénonce des méthodes qui permettent de biaiser le consentement des internautes. Voilà, je demanderai dans un instant leur réaction à mes deux invités du jour. Et pour conclure, Natacha, même les animaux les plus robustes du monde sont touchés par le changement climatique. Oui, en l'occurrence, le tardigrade, réputé pour être indestructible, ou presque. Ce minuscule invertébré peut survivre en conditions extrêmes. Dans une étude parue dans Scientific Reports, les chercheurs de l'université de Copenhague viennent de découvrir son point faible, la hausse des températures. Si ces extrémophiles sont capables de survivre dans des environnements à 150 degrés, ils ont néanmoins besoin d'un temps d'acclimatation. Pendant leur expérience, leur taux de mortalité augmentait lorsque les températures grimpaient rapidement au-dessus de 37 degrés. Selon l'étude, les tardigrades peuvent être classés parmi les espèces menacées par le réchauffement climatique. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet du jour, à savoir les données biométriques, bien peut-être un mot tout de même l'un et l'autre, Christophe Rosenberger, Amine Naïtali, sur ce RGPD et sur cette prépublication sur le site Archive qui indique donc que quasiment 9 sites sur 10 ne respectent pas les indications de ce RGPD. Amine Naïtali. Oui, merci Nicolas Martin de cette invitation. Le RGPD, donc en fait, je pense qu'il serait intéressant de rappeler un petit peu rapidement le RGPD, qui est le règlement européen sur la protection des données, donc qui en fait est entré en application depuis 2018. Donc en fait, ce RGPD a un objectif bien précis. Donc ce sont des points qui ont été bien précis concernant le renforcement des droits des personnes, la responsabilité ou la responsabilisation des acteurs traitant des données, donc que ça soit en fait des ceux qui traitent les données ou même les sous-traitants. Et puis il y a aussi en fait la crédibilisation de la régulation. Donc là, effectivement, le problème qui se pose, c'est que je pense que c'est encore jeune, comme règlement. Et à mon avis, il y a besoin un petit peu de temps, justement, que les entreprises, que les organismes, que ça soit en fait sociaux, publics, s'habituent à tout cela. Puis en fait, c'est une question de temps. Pour vous, c'est une question de temps. Christophe Rosenberger, tout de même, on va parler de protection des données personnelles. Quand on voit que ce RGPD avait été instauré précisément pour normalement protéger les utilisateurs des sites d'internet, les citoyennes et les citoyens, on voit que de l'autre côté, les industriels ne jouent pas le jeu. Qu'est-ce qu'il faut en conclure selon vous ? Tout ça, c'est pas récent. En fait, il faut voir aussi que tout ce qui est informatique et liberté, c'est assez ancien, avec la création de la CNIL en 1978, qui mentionnait déjà un certain nombre de points sur la protection des données à caractère personnel. Le problème, c'est que les moyens de pénaliser les personnes qui ne respectaient pas ces règles étaient assez faibles. La RGPD, comme l'a dit Amine, permet d'augmenter un certain nombre de choses, et notamment il y a des notions sur la citoyenneté qui concernent l'application de cette protection, y compris pour des personnes qui ont des accès à des comptes sur des services qui ne sont pas européens. Donc c'est un règlement européen, et donc ça s'applique s'applique à tous les citoyens européens, y compris sur des services qui sont hébergés en dehors. Donc il y a certains services numériques, hein, comme des réseaux sociaux, des grands du web, avaient déjà mis en place un certain nombre de choses. Après, il y a la réalité derrière de savoir ce que est fait vraiment, ce qu'est fait ces données et quels sont les usages qui n'étaient pas forcément les usages qui étaient initiaux lors de la collecte de ces données des personnes. On reviendra sur ces questions liées à la protection des données puisque c'est notre sujet du jour. Nous parlons des données biométriques qui sont évidemment comprises par ce RGPD, enfin qui sont comprises dans ce RGPD plutôt, leur protection tout du moins, la généralisation donc des données biométriques, de leur utilisation, les conséquences de cette généralisation. Nous allons en parler tout au long de cette heure parce que il faut bien reconnaître que dans la psyché collective, données biométriques, c'est peu ou prou l'équivalent de Big Brother 1984, de la surveillance généralisée et de la dérive autoritaire d'un pouvoir que l'on pourrait qualifier de fascisto-administratif. Et il faut dire que certains exemples récents d'applications dans des pays peu scrupuleux des libertés individuelles n'aident pas vraiment à calmer cette inquiétude collective, comme en atteste ce reportage diffusé il y a moins de 2 ans sur une chaîne d'information continue. Elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, et pourtant leur utilisation est bien réelle. Pour contrôler la population, la police chinoise scanne la foule à l'aide de lunettes connectées, équipées de la reconnaissance faciale. Relié à une base de données interne de 10 000 profils à haut risque, ce nouvel outil permet d'identifier une personne en à peine 100 millisecondes. Malgré l'absence de cadre réglementaire en Chine, l'entreprise à l'origine des lunettes déclare proche de zéro la chance d'intrusion dans la vie privée des citoyens. Tout d'abord, nous faisons confiance au gouvernement. Ensuite, ce n'est pas une fonction que le matériel peut réaliser. Le gouvernement a un contrôle très strict sur le système qui inclut l'utilisation des données. L'utilisation accrue des nouvelles technologies souligne un effort majeur sous le président Xi Jinping pour renforcer la surveillance du pays. La Chine est au premier rang mondial sur les technologies informatiques. Elle est au premier rang mondial, par exemple, pour la reconnaissance faciale, d'autant plus qu'il n'y a pas de limite réglementaire. On fait ce qu'on veut, si vous voulez. Ça se retourne contre les individus parce que ça donne au pouvoir une banque de données en temps réel gigantesque. À terme, la Chine pourrait bien acquérir une base de données regroupant des informations sur toute sa population, soit 1,4 milliard de personnes. Voilà, reportage sur la généralisation de la reconnaissance faciale à usage de surveillance policière. Est-ce que c'est un exemple borderline ? Est-ce que c'est un exemple extrême, Christophe Rosenberger ? Ou est-ce que c'est juste que la Chine a quelques années d'avance sur l'Europe ? Oh, je sais pas si la Chine a des années d'avance sur le sujet. Je pense qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de régulation sur la collecte de données personnelles, ça permet à nos collègues chercheurs chinois de pouvoir collecter des volumes extrêmement importants de données et donc d'apprendre les algorithmes et d'avoir évidemment des excellentes performances. Effectivement, si sur l'application, si l'idée c'est de chercher parmi une base de 100 000 personnes, d'avoir ce type de résultat en quelques centaines de millisecondes et pas complètement idiot. En fait, c'est quelque chose qui est totalement au niveau de l'état de l'art, de ce qui se fait au niveau de la recherche dans le monde, hein. Donc il y a une avancée aussi par les données. On sait qu'avec les avancées de tout ce qui est apprentissage machine à l'heure actuelle, une des forces, c'est d'avoir beaucoup de données. Et évidemment là, la Chine, ils en ont beaucoup. Amine Naitali, ces exemples que l'on entend, hein, on parle de reconnaissance faciale dans les aéroports, on a entendu cet exemple en Chine, il y en a d'autres. Est-ce qu'ils ont pour fonction de jouer le rôle d'épouvantail ou est-ce que c'est, je repose la question un peu différemment, ou est-ce que c'est le début d'une généralisation qui débute par les pays effectivement les moins scrupuleux des libertés individuelles? Moi, à mon avis, en fait, il y a toujours en fait une étape d'expérimentation. Donc quand on fait, on explore un petit peu, on fait une investigation pour voir ce qui se passe dans le monde. Il y a la Chine, effectivement, là, qui s'est lancée sur la biométrie, en fait, parce que la règle du jeu n'est pas la même qu'en France. Les États-Unis, pareil, avec la collecte des données sur Google et Facebook. Ce que disait aussi Christophe Rosenberger, c'est clair, quand on se retrouve avec des milliards d'images, de données, ça permet de faire un apprentissage très profond et on arrive en fait à avoir des résultats quand même très très très avancés. En fait, Ce que je peux dire, enfin, c'est que les données maintenant, ce sont le pétrole, hein, c'est le pétrole d'aujourd'hui. Donc, c'est, je peux vous dire aussi que les chercheurs actuellement sont bloqués par rapport à cet aspect-là. C'est-à-dire par rapport à cet aspect, vous voulez dire de l'égalité, de protection des données, c'est pour le moment une entrave ? Non, la légalité, ça c'est très très important. Nous avons la chance quand même d'avoir la CNIL. Nous avons en fait une mentalité qui est complètement différente de d'autres pays, et ça c'est une chance. Ici en France, hein ? Voilà. Ici d'accord. En France. Tous les pays n'ont pas de contrôle d'organisme exact. De contrôle indépendant. Ceci dit, en fait, il y a un compromis. En tant que chercheur, on sait très bien, pour développer des méthodes, des algorithmes, on a besoin de données. Et ça, au niveau, enfin, la Chine, que ce soit la Chine ou les États-Unis, quand même, sur ce sujet-là, en fait, ils sont beaucoup plus en avance. Alors, on reviendra évidemment sur la dimension éthique de l'utilisation de ces données. On va essayer de comprendre aujourd'hui dans quel cadre elles sont utilisées et si effectivement on ne peut pas renverser un peu l'imaginaire collectif que nous avons autour de ces données biométriques. Christophe Rosenberger, je citais au début de cette émission cette phrase. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle, à savoir il faut dédiaboliser la biométrique, elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de la fin à laquelle on s'en sert. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. En fait, c'est pas la donnée, c'est pas un domaine, c'est pas un domaine scientifique qui peut être mauvais. En fait, c'est évidemment comment on l'utilise. Je pense que la biométrie peut être utile. Évidemment, il faut mettre des garde-fous pour qu'elle soit utilisée à des fins, au bénéfice des citoyens, au bénéfice des États aussi, puisque il est totalement légitime, hein, pour un État d'utiliser la biométrie pour vérifier, bah, ne serait-ce que les personnes qui rentrent dans son pays, bien sont bien des citoyens du pays en question, ou de que la personne qui accède à un service particulier est bien un citoyen français. Donc ça, c'est légitime. Après, évidemment, il ne faut pas que ça serve à tracer la personne en question ou à d'autres fins. Donc ça c'est clair. On va évidemment, hein, je le précise pour les auditeurs, découpler les questions d'éthique dont on parlera évidemment d'ici la fin de l'émission pour essayer d'avancer, pour comprendre un peu les enjeux qui sont liés à ces données biométriques dans un premier temps, d'une façon peut-être un peu plus technique. Vous êtes d'accord aussi, Amine Naïtali, avec cette citation ? Alors, tout à fait, parce que là, il faut quand même comprendre quelque chose. Dans le mot biométrie, il y a bio et métrie. À la base, biométrie, ça fait pas de mal, hein. Donc, ça consiste à faire de la mesure sur le vivant. Et c'est l'application en fait qui définit justement si on peut ou on peut pas. Donc il y a beaucoup d'applications de biométrie qui s'orientent vers le domaine médical, la santé, le bien-être, ainsi de suite. Et puis après il y a la biométrie sécuritaire. Alors effectivement, quand on tape le mot biométrie sur Internet, on se retrouve avec passeport biométrique, carte nationale biométrique. Donc ça fait un petit peu peur, le traçage, ainsi de suite. Donc voilà. Après je pense si les choses sont un petit peu cadrer, à mon avis, ce qui fait peur, surtout, c'est l'identification en fait des gens. Mais sinon, en fait, il y a des applications qui peuvent effectivement faire avancer la technologie. On reparlera également et notamment de la volonté du gouvernement actuel d'avancer à grands pas dans ce domaine, puisque il a proposé en fin d'année dernière de généraliser la reconnaissance faciale dans l'espace public. On y reviendra parce que ça avait effectivement soulevé une bronca en France. Un mot tout de même avant cela, Christophe Rosenberger, sur le fait que j'exprimais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, à savoir que la France est le troisième producteur de données biométriques après des pays qui dépassent le milliard d'habitants, à savoir l'Inde et la Chine. Pourquoi et comment est-ce qu'on explique cet état de fait ? Alors, on explique aussi parce qu'on a une industrie très performante sur le sujet. On a des leaders mondiaux en France qui vendent des solutions de systèmes biométriques dans le monde entier. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que il y a eu vraiment les premiers usages de la biométrie se sont faits notamment en France, avec des applications plutôt dans le domaine de la police. On parle souvent du bertillonnage. Donc en fait, le papa de la police scientifique française et puis de la police scientifique un petit peu au niveau international. Je renvoie les auditeurs. On avait consacré une émission entière justement au début de la police scientifique et au bertillonnage. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Je vous laisse continuer, Christophe. Et donc, il y a cette connaissance et puis ce besoin de pouvoir collecter des informations biométriques. Après, je pense qu'il faudrait peut-être aussi définir ce que c'est que la biométrie, parce que souvent les gens pensent que une donnée biométrique, c'est le visage, c'est l'empreinte, c'est l'ADN. Bon, certes. On va y aller. Non, mais je vais dire, on va y aller dans un instant parce que on va évidemment définir tout ça. J'aimerais juste une réaction d'Amit Naitali justement là-dessus, de se dire que la France est le troisième pays au monde derrière. On a 70 millions d'habitants. Je crois qu'on n'a pas dépassé les 70 millions d'habitants, oui, face à des pays qui ont 1 milliard d'habitants. Le volume est quand même. Enfin, il y a quand même une rupture assez impressionnante. Effectivement, c'est l'industrie française. En fait, ça montre quand même que on avance sur ce point-là. Donc, rien à voir avec, disons, la collecte des données en fait au niveau local. Donc je parle bien de l'industrie. Quand on voit en fait le projet ADAR par exemple qui a été développé en Inde, eh bien la France était présente. Peut-être on va en parler, rappeler juste rapidement, c'est un problème justement de collecte des données biométriques liées à l'identité en Inde. Je vous laisse repréciser ce que c'est que ce projet ADAR. Alors en fait le projet c'est la plus grosse base de données biométriques en fait qui a été développée il y a quelques années en Inde pour recenser toute la population, 1 milliard point quelque chose d'habitants. Voilà. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons donc des données biométriques avec Christophe Rosenberger qui est avec nous en duplex depuis Caen et avec Amin Naït Ali. Alors justement Christophe Rosenberger, je vous ai interrompu tout à l'heure pour repréciser exactement, parce que données biométriques, évidemment on pense à beaucoup de choses, il y a encore une fois ce fantasme de la surveillance totalitaire derrière, peut-être qu'on peut repréciser ce que c'est et certaines de leur nature qui font que ces données sont particulières et ne sont pas les mêmes données que n'importe quelle autre donnée que l'on peut confier, notamment leur nature irrévocable. Oui. Alors en fait, une donnée biométrique, c'est une donnée qui va permettre de vérifier l'identité d'une personne ou d'identifier cette personne. Donc ça, c'est la finalité de l'usage. Les catégories de données biométriques, il y en a trois. La première concerne les données biologiques. Donc on peut avoir l'ADN, par exemple, qui va être une donnée qui va permettre d'identifier une personne. Vous allez avoir des données morphologiques. Donc les morphologiques, c'est une partie de votre corps, alors visible ou non visible. Donc votre visage, votre empreinte digitale, mais ça peut être aussi des veines de votre main. Donc ça, c'est des choses qu'on peut totalement collecter avec des choses totalement improbables, comme par exemple la forme de votre oreille. Donc c'est possible de reconnaître une personne avec son oreille. Et puis la troisième catégorie, alors c'est une catégorie qui est un peu moins visible, c'est l'analyse comportementale. C'est-à-dire que on va pouvoir reconnaître une personne à sa façon de réaliser une certaine tâche. Donc ça peut être ma façon de parler, ça peut être ma façon de signer, ma façon de marcher, et ça peut être extrêmement vaste. Ma façon d'utiliser ma carte bancaire, ça peut être extrêmement varié, et donc c'est la troisième catégorie. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent pour une donnée biométrique par rapport à une donnée classique ? C'est effectivement la non-révocabilité. Non-révocabilité, c'est que je ne peux pas changer toujours cette donnée en question. Un mot de passe, je peux le changer. Mon empreinte digitale, je peux pas le changer. Alors, je peux changer de doigt, mais voilà. On peut le changer, oui. Enfin, normalement, disons qu'un quidam ne peut pas le changer à moins d'avoir recours à des méthodes certainement très coûteuses et pas forcément très efficaces. Peut-être une autre idée qu'il faut déconstruire, Amin Naït Ali, à propos des données biométriques, c'est que on associe souvent la donnée biométrique à une certaine forme d'infaillibilité, dans la reconnaissance. Or, les données biométriques ne sont pas infaillibles. Effectivement, en fait, c'est tout dépend de la modalité que l'on utilise. Donc, il y a Christophe Rosenberger qui a parlé un petit peu de quelques modalités, notamment la biométrie comportementale, la biométrie physique ou biologique. Donc, quand on dresse un tableau et un panorama de ces modalités, donc en fait, il y a des compromis, il y a des modalités qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus stables dans le temps. Comme par exemple l'empreinte digitale, d'autres modalités comme la reconnaissance faciale, on sait très bien que c'est moyennement stable parce qu'en fait il y a l'aspect vieillissement aussi en fait il y a le visage qui en fonction de l'acquisition, le mode d'acquisition, l'expression du visage, l'émotion, donc ça fait que ça rend un petit peu la modalité plus ou moins en fait moins précise. Christophe Rosenberger, c'est important peut-être de repréciser ça parce qu'effectivement tant dans l'esprit du grand public que en général dans le discours également des dirigeants, qu'ils soient des dirigeants publics ou d'entreprises privées, on associe souvent l'utilisation de données biométriques à, en tout cas, un niveau de sécurité extrêmement élevé dans la capacité de reconnaissance et d'identification. Or, je le rappelle, et je vous demande peut-être de commenter cela, les données biométriques sont loin, en tout cas les systèmes de reconnaissance biométrique sont loin d'être infaillibles. Totalement. En fait, il y a toujours un risque parce que la première raison d'erreur, c'est qu'on fait intervenir un humain dans la collecte. Et donc, vous demandez à n'importe quelle personne de donner une empreinte digitale, eh bien, peut-être qu'elle ne va pas mettre son doigt. Alors, ça peut paraître stupide, hein, mais elle ne pourra pas mettre forcément son doigt correctement sur le capteur. Donc, il y a toujours une erreur qui est possible. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, par rapport à un mot de passe, la différence, c'est qu'on va avoir un lien qui va être beaucoup plus fort entre l'information que l'on va donner pour s'authentifier par rapport à un mot de passe qui est un mot de passe qui n'a aucun lien personnel avec moi, alors que mon empreinte digitale, c'est une partie de mon corps. Donc on voit bien qu'il y a cette notion de relation qui est beaucoup plus forte, mais évidemment, pour autant, ce n'est pas infaillible. Plusieurs choses, hein. Par exemple, en juillet dernier, alors pas infaillible vraiment largement, puisqu'une étude publiée par l'Université d'Essex a montré que les systèmes de reconnaissance faciale londoniens présentaient un taux d'erreur de 81%. Christophe Rosenberger. Alors c'est assez étonnant, hein, 81%. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Après, à ce niveau-là, en termes d'erreurs, c'est étonnant. Je pense que effectivement, comme on contrôle pas sur de la vidéosurveillance la qualité, la distance à laquelle la caméra est de la personne ou éventuellement, je sais pas, le fait qu'elle a un chapeau, ce genre de choses, on a des données qui sont pas forcément très très bonnes. Et donc, on va avoir des erreurs. Bon, 81%, c'est quand même assez étonnant malgré tout. Bien sûr, ce qui m'amène surtout à autre chose qu'il faut avoir en tête, et c'est intéressant et important, c'est que la réponse offerte par un système de comparaison biométrique, c'est jamais binaire, c'est jamais oui ou non, c'est un certain taux de corrélation avec une base de données. Et ça, c'est vraiment important, et c'est là que se nichent les erreurs. Exactement, parce qu'en fait, là, il faut en fait aller chercher dans les modèles que l'on utilise pour la reconnaissance faciale. Notamment, actuellement, on utilise les réseaux de neurones, donc ce sont des méthodes d'apprentissage. Et en fait, ils donnent en sortie, c'est-à-dire lorsque vous injectez une image, un visage, donc ça donne en fait en sortie des pourcentages. Un pourcentage pour dire, voilà, telle personne, elle ressemble à ce pourcentage à telle personne. Donc voilà, à 80, 78, 65, 95%. C'est ce qui fait. On ne peut jamais être sûr. Il y a toujours un taux d'erreur. Et notamment, c'est pour cette raison-là, il y a des équipes qui travaillent sur les performances des systèmes biométriques. Notamment, il y a Christophe, il peut en parler. Et voilà, le parfait n'existe pas. Ce qui est intéressant, Christophe Rosenberger, c'est que tout dépend en fait de la qualité du paramétrage que l'on souhaite. C'est-à-dire soit avoir finalement un taux de reconnaissance avec finalement très vaste, mais qui risque de produire beaucoup de faux positifs, ou au contraire, si on veut avoir un taux de reconnaissance très précis, ce qui risque à l'inverse de produire beaucoup de faux négatifs. C'est-à-dire que c'est un système de vases communicants entre les deux. Exactement. Donc en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est dual entre les erreurs de reconnaissance des personnes, c'est-à-dire des faux rejets. Hein. La personne n'est pas reconnue alors que c'est une personne légitime. Et puis des imposteurs qui pourraient être reconnus à votre place. Donc on voit bien qu'il y a il y a quelque chose qui est dual entre ces deux taux. Alors ce qui est généralement fait, puisque l'application elle est sécuritaire, on va fixer un certain niveau de sécurité et on va veiller à ce que le faux rejet, donc les problèmes vis-à-vis des personnes légitimes, eh bien, restent malgré tout à un niveau acceptable. Et donc, par exemple, on pourrait vous donner un ordre d'idée, on pourrait considérer qu'un niveau de sécurité, un haut niveau de sécurité, ça va consister à paramétrer un système de telle façon à avoir maximum une imposture sur 1 million de tests. Et d'avoir. Ce qui est très bas. Ce qui est très bas, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un niveau de sécurité élevé et d'essayer d'avoir un faux rejet qui est moins de 2%. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie d'avoir en général quand vous voulez avoir un système qui soit appliqué dans des applications de haute sécurité du type contrôle frontière, par exemple. Et puis, on va évoquer dans un instant les enjeux de protection et de sécurité. On voit bien que la nature irrévocable de ces données rend extrêmement sensible la question de la protection de ces données, puisque une fois que je me suis fait voler mes données biométriques, eh bien, on ne peut pas changer mes yeux, on ne peut pas changer mes doigts ou toutes les données qui ont pu être prélevées. Concrètement, tout de même, pour incarner cette question et cette problématique de la sécurisation de ces données, qu'est-ce qui se passe, Christophe Rosenberger, si on vole, comme ça a pu avoir lieu notamment en Inde ou dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe si on vole mes données biométriques, si on y a accès et qu'on les prend? On ne peut pas les faire correspondre à quelqu'un d'autre quand même. Comment ça se passe finalement? Alors ça peut être plus ou moins plus ou moins insensible. Hein. Il y a à peu près un an, hein, il y a des chercheurs japonais qui ont montré un article scientifique qui disait quand vous faites un selfie, ne montrez pas vos mains. Vous ne faites pas un signe de victoire et donc ne montrez pas vos mains parce que quand vous avez une image haute résolution, eh bien potentiellement on peut avoir votre empreinte digitale dans l'image. Et donc effectivement, ça c'est un fait qui est connu, sauf que les chercheurs japonais ont, à partir de ces images, généré des fausses empreintes digitales en gélatine et ont montré qu'en prenant ces gélatines, eh bien, pouvaient se faire passer pour quelqu'un d'autre sur un système biométrique automatisé basé sur l'empreinte digitale. Oui, mais ce système-là, si on arrive à, par exemple, à contrefaire mes empreintes digitales, on peut contrefaire mes empreintes digitales, mais on ne pourra pas contrefaire le reste des données qui sont comprises, par exemple, dans un passeport ou dans une carte d'identité? Non, alors effectivement, on sera limité. Bon, après, dans un passeport, hein, pour l'instant, vous avez le visage et vos deux empreintes digitales. Hein, deux empreintes index. Digitales de... Voilà, c'est pas forcément l'index. Hein. En fait, c'est à l'enrôlement, quand vous faites la constitution du passeport, il regarde la meilleure qualité de l'empreinte. Donc, en général, c'est deux index, oui. Et ça, c'est stocké dans votre passeport, dans une puce qui est d'ailleurs cachée dans le carton de votre passeport. Et à partir de ça, au contrôle frontière, par exemple, hein, on peut comparer l'empreinte acquise sur place et puis celle qui est dans la puce. Et donc, effectivement, on peut avoir, dans certains cas, un intérêt à récupérer l'empreinte et se faire passer pour une personne. Ce qui peut être intéressant s'il y a de plus en plus de services qui utilisent cette modalité biométrique. Hein. Ceci étant, pour un passeport, il y a quand même une présence, il y a une vérification au niveau de la possession du passeport qui fait que là, ça ne marcherait pas du tout. Hein. Amine Naït Ali, justement. Alors justement, en fait, sur les données biométriques, il faut savoir qu'actuellement, maintenant, quand vous postez une photo sur Facebook, dans Google, tout ce que vous voulez, eh bien, en même temps, vous êtes en train de poster vos données biométriques, parce qu'à partir d'une image, on peut très bien caractériser la photo, peu importe en fait la pose du visage. Et pareil, on part dans un micro, on peut aussi extraire une donnée biométrique vocale. Donc l'idée, en fait, le problème qui se pose, c'est pas la donnée biométrique elle-même, mais la façon comment en fait on l'utilise comme clé numérique. Et là, c'est le protocole qui va le déterminer. Quand on voit, par exemple, le système Paraf à l'aéroport, eh bien, il faut que la personne soit physiquement présente. Donc, du moment que ça se fait pas en fait à distance, on a en face de nous la personne physique qui doit présenter le doigt et qui va que l'on doit en fait justement vérifier son identité. Donc voilà, c'est le protocole qui entoure cette biométrie qui fait que ça la rend plus ou moins vulnérable éventuellement à des attaques, ce qu'on appelle en fait des attaques dans un jargon précis. Et on va voir que, eh bien évidemment, ces attaques, elles ont lieu, elles sont parfois eh bien simulées ou en tout cas faites par des personnes bienveillantes qui essaient de trouver les limites des systèmes. Elles sont parfois le fait de personnes au contraire malveillantes qui veulent s'approprier des données, d'où les enjeux immense, économique, industriel et technologique de la protection de ces données biométriques. On en parle dans un instant. Save your shores. Hear me, I'm graphically yours. Big Brother de David Bowie sur France Culture à 16h35. Nous parlons de données biométriques, nous parlons de leur production, de leur utilisation, de leur protection également, et puis évidemment des questions éthiques qui sont liées à leur surexploitation. Nous en parlons avec Christophe Rosenberger qui est en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Caen, qui est professeur des universités à l'ENSICAN et directeur du laboratoire grec, et Amine Naït Ali, professeur de l'université Paris-Est Créteil, responsable du groupe de recherche sur la biométrie au laboratoire LICI. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure, eh bien, de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Simon Caquet. Bonjour Simon. Nicolas. Vous êtes en dernière année de thèse rattachée à l'Institut du droit public et de la science politique de l'Université de Rennes 1. Vous travaillez sur le régime juridique des données publiques numériques. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors mes travaux de recherche au sein de l'Institut du droit public et de la science politique de Rennes 1 portent en effet sur la façon dont on peut appréhender sous l'angle juridique la donnée et plus particulièrement la donnée publique. Alors quel est le constat ? On le voit bien, les progrès des technologies du numérique favorisent de nombreuses transformations au sein de la société. L'avènement de l'ordinateur a permis d'automatiser et d'accélérer un certain nombre de tâches. Internet constitue désormais un support incontournable d'échange de données. L'intelligence artificielle, on le voit, ouvre également des perspectives nouvelles en matière de traitement de données. Ces transformations sont majeures et c'est la raison pour laquelle on parle facilement de révolution numérique avec l'émergence d'une société de l'information de plus en plus connectée. La République elle-même s'est parée de cette qualité numérique depuis la loi éponyme de 2016. Partant de ce constat, la question qui se pose est celle de savoir si ces transformations sont juridiquement bien accompagnées. Parce que le droit, c'est l'ensemble des règles qui sont considérées comme devant régir les relations humaines. On voit bien que les technologies du numérique qui transforment ces relations humaines appellent nécessairement à la mise en place d'un cadre juridique adapté. Alors cela est vrai pour les deux grandes branches du droit que sont le droit privé d'un côté et le droit public de l'autre. Et il existe de très nombreux travaux sur ce sujet en droit privé, un petit peu moins en droit public. Et donc c'est sur cette branche du droit que mes travaux de recherche se proposent de contribuer à la réflexion. Alors quel est l'enjeu ? Une donnée, ça contient de l'information. Et l'information, ça peut être source de pouvoir. On peut considérer que la donnée publique est celle qui est traitée par des personnes publiques ou dans certains cas des personnes privées chargées d'une mission de service public. Or, ces personnes traitent informatiquement une quantité croissante de données dans une perspective d'intérêt général. Or, traiter des données dans une perspective d'intérêt général, ce n'est pas toujours la même chose que de traiter des données dans une perspective purement privée, par exemple commerciale. Les personnes publiques, parce qu'elles agissent au nom de l'intérêt général, disposent de prérogatives particulières, que l'on appelle en droit des prérogatives de puissance publique. Et l'enjeu, c'est notamment de déterminer l'incidence des progrès informatiques et donc du numérique sur la façon dont les données publiques sont traitées par les personnes publiques. Alors, pour appréhender cette problématique, on peut partir de la donnée publique au format numérique en tant qu'objet d'étude et de l'hypothèse selon laquelle cette donnée numérique a un cycle de vie. Production, avec par exemple la collecte, l'utilisation avec différentes finalités, l'archivage, la destruction et même la réutilisation de la donnée publique. Alors pour chacune de ces phases, l'objectif de mes travaux est d'analyser le cadre juridique applicable, d'en évaluer la pertinence et si nécessaire de proposer des pistes de réflexion quant à son évolution. Alors très concrètement, qu'est-ce que cela recouvre ? On peut citer trois exemples. Premier exemple, les téléprocédures qui sont mises en ligne par les administrations et qui ont du moins pour objectif de faciliter la vie des usagers. Deuxième exemple, la mise à disposition de données publiques en vue d'être réutilisées pour des finalités différentes de celles pour lesquelles elles ont été collectées initialement, avec l'open data. Et enfin, troisième exemple qui montre l'importance d'un cadre juridique pour les données publiques numériques, c'est l'automatisation des contrôles effectués par l'administration afin de lutter plus efficacement contre la fraude. On le voit dans tous ces cas, les données publiques numériques occupent une place dorénavant essentielle pour laquelle le droit doit dorénavant s'adapter en permanence. Lorsque on étudie les règles juridiques qui s'appliquent aux différents traitements de données publiques, on s'aperçoit que ces règles sont très hétérogènes. À titre d'exemple, on découvre qu'une lecture croisée de plusieurs dispositions du Code du patrimoine permet de qualifier juridiquement une simple note administrative rédigée sur ordinateur comme un trésor national. D'accord. Mais au-delà de cette notion, c'est tout un régime juridique qui en découle. Et je dirais pour conclure que étudier le régime juridique des données publiques numériques, c'est analyser la spécificité du traitement par les personnes publiques d'informations numérisées, qu'ils soient cloisonnés ou ouverts. Finalement, l'espace numérique est un endroit où des luttes de pouvoir sont intenses Et il paraît à ce titre essentiel que les personnes publiques soient dotées des meilleurs instruments juridiques afin de pouvoir sereinement mener leur mission d'intérêt général. Merci beaucoup Simon Caquet pour cette présentation. Vous restez avec nous d'ailleurs si vous souhaitez intervenir dans la fin de cette émission. Un mot, c'est intéressant cette notion, et ce que vient de nous expliquer Simon Caquet, cette notion de données publiques aujourd'hui, Christophe Rosenberger. Quel est le statut de ces données biométriques? Est-ce qu'elles ont un statut à part? Est-ce qu'il faut leur trouver un statut à part? Est-ce qu'il faut précisément en faire ou les protéger juridiquement en faisant un bien public ou un bien commun? Eh bien, effectivement, il faut les protéger particulièrement. Hein. Ce sont des données sensibles, hein, on l'a dit, hein, déjà non révocables, et à utiliser dans des contextes qui ne sont pas ce pour quoi elles ont été collectées, peuvent avoir une incidence assez forte sur la liberté individuelle, hein, puisque potentiellement, si on ne fait pas de protection, on pourrait pouvoir tracer ce que fait un individu sur tous les différents services auxquels il accède sur Internet. Donc il faut protéger, il faut la considérer particulièrement cette donnée, et c'est le cas. Hein, évidemment, il y a une attention particulière sur cette donnée personnelle dans la loi Informatique et Liberté. Bon, je ne suis pas juriste, mais on pourra confirmer cela sans problème. Amine Naïtali, est-ce que faire de ces données biométriques, justement, leur donner un statut juridique particulier, ce serait une forme de protection supplémentaire? Est-ce qu'elles l'ont aujourd'hui? Est-ce qu'il faut légiférer à ce propos? Tout à fait. C'est ce que j'avais dit. En fait, on a la chance quand même d'avoir la CNIL ici, en fait, en France. Je pense que c'est très, très important. Nous, en fait, on est chercheurs, on est des scientifiques, on développe des algorithmes, on fait des études de faisabilité. Mais on n'a pas forcément une visibilité sur l'impact de certains algorithmes, la façon, même si on sait comment protéger les données de manière technique, on a besoin d'être épaulé justement par des organismes qui vont aller au-delà de la technique. Et je pense que c'est une chance à nous qu'il faut réellement saisir comme les gens qui travaillent dans ce domaine. Et voilà, je rejoins en fait ce que dit Christophe. Voilà, on n'est pas dans le domaine juridique, on est plutôt technique et scientifique. Voilà. Alors justement sur la protection stricto sensu technique, évidemment ces données, on va voir de quelle façon elles sont protégées, de quelle façon elles sont exploitées, de quelle façon elles sont chiffrées et parfois ou non déchiffrées. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Christophe Rosenberger, avant d'arriver à notre reportage du jour. L'idée principale qui commande justement à la protection de ces données, c'est de les chiffrer une fois et de ne plus avoir à les déchiffrer, puisque si on n'a plus à les déchiffrer, si elles restent cryptées, et bien du coup elles sont autrement protégées. Le danger, c'est le déchiffrement, c'est cela ? C'est ça. Alors en fait, de façon générale, hein, quand on veut protéger une donnée biométrique, il y a deux façons majeures. La première, c'est de la protéger de façon hardware, c'est-à-dire en mettant la donnée dans un endroit sécurisé mais matériel. Hein, donc en France et en Europe, on utilise beaucoup la puce à micro-circuit qui sont sur nos cartes à puces. Et ensuite, il y a des solutions qui sont plus cette fois logicielles et qui vont utiliser des méthodes de chiffrement, évidemment, pour que une personne qui pourrait récupérer cette donnée ne puisse pas accéder au contenu de la donnée biométrique. Alors sur un visage, on pourrait imaginer que c'est une information qui est relativement facile à trouver sur Internet. Par contre, une empreinte, évidemment, et ça doit être assez difficile, et heureusement. Donc il y a plusieurs méthodes qui permettent de protéger ces données biométriques. Donc, évidemment, on pense au chiffrement classique. Le problème du chiffrement classique, c'est-à-dire le chiffrement qu'on utilise sur tout type de données, le problème, c'est que on peut déchiffrer. Et donc ça, moi, à titre personnel, le stockage d'une donnée biométrique, je souhaite qu'elle ne soit pas déchiffrable, parce que, justement, pour garantir au maximum ma vie privée, même si on considère que la personne qui stocke cette donnée, c'est en sécurité, on parle de tiers de confiance honnête mais curieux, c'est-à-dire qu'on va supposer que la personne ne va pas essayer de rechercher l'information, mais elle peut être curieuse, et donc il faut quand même se prévenir de ça. Donc avec le chiffrement classique, on a des limitations de pouvoir déchiffrer et puis aussi des limitations de résistance des algorithmes qui sont utilisés à l'heure actuelle sur des données personnelles dans le temps, puisque une donnée biométrique, hein, ça a une durée de vie très élevée. Ensuite, vous avez d'autres solutions. Une des solutions, c'est de travailler sur des chiffrements qui sont un peu spécifiques, qui sont vraiment dédiés à la protection de la vie privée et qui vont permettre de faire des calculs dans le domaine du chiffré. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déchiffrer, justement. Mais justement, je vous interromps, Christophe Rosenberger, parce qu'on reviendra sur ces questions de chiffrement, mais c'est justement l'objet de notre reportage du jour, comment faire monter au maximum le niveau de sécurité de ces données biométriques. On parlera aussi de la question de la centralisation, finalement. Peut-être que l'une des voies de sécurisation de ces données, ce n'est pas de les centraliser, mais au contraire de les laisser sur un terminal ou en tout cas à la personne à qui ils appartiennent. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu au CEA où des chercheurs travaillent sur des technologies de cryptographie un peu particulières pour rendre aussi sûr que possible la préservation de ces données biométriques. Et on parle ici de cryptographie homomorphe. Ce type de chiffrement des données, vous allez l'entendre, permet de garantir des conditions de confidentialité accrues. Renaud Sirdet, qui est directeur de recherche au CEA Liste à Saclay, nous explique les grands principes de ce chiffrement homomorphe dont il est spécialiste, mais aussi les raisons pour lesquelles cette cryptographie a un intérêt tout particulier dans le cas de la sécurisation des données biométriques. La cryptographie, déjà, c'est donc la science de la protection de l'information. C'est un corpus en fait de techniques mathématiques qui vont permettre de prendre une donnée en clair, de la rendre non intelligible pour tout un chacun, sauf celui qui connaît une clé secrète qui permet donc de déchiffrer l'information. Mais depuis toujours, la donnée chiffrée est inerte. Hein, la seule chose qu'on peut faire avec une donnée chiffrée, c'est finalement la déchiffrer pour la retrouver. La cryptographie homomorphe casse ce côté inerte de la donnée chiffrée et va permettre de manipuler une donnée sous forme chiffrée, de réaliser des calculs dessus sans à aucun moment avoir à la déchiffrer ou avoir à être doté d'une quelconque capacité de déchiffrement. Donc ça permet finalement d'envisager, donc de faire travailler un ordinateur en aveugle sur des données, puisque du coup il exécute un algorithme sans voir les données sur lesquelles il travaille. Alors pourquoi la cryptographie homomorphe est intéressante dans le cas du recours à la donnée biométrique, à la biométrie ? Donc du coup, la cryptographie homomorphe, en permettant le calcul sur données chiffrées, va permettre en fait de garder une couche de protection sur des données lorsqu'elles sont manipulées par un serveur dans lequel on n'a pas totalement confiance. Donc on peut parler finalement de contre-mesure relativement à des menaces qui pèsent sur la confidentialité de données en provenance du serveur qui les manipule. Confidentialité, c'est important puisque la cryptographie homomorphe n'adresse que cela. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intégrité, c'est pas la solution ultime à tous les problèmes de sécurité, c'est bien pour adresser des menaces sur la confidentialité. Ce qui est intéressant, en fait, dans la problématique de la biométrie, c'est qu'en général, en fait, un système biométrique va se caractériser par, disons, du traitement d'image relativement complexe au moment, donc, de l'enregistrement d'un individu. Mais en fait, ces algorithmes complexes sont justement réalisés proche capteur et n'ont pas à être réalisés dans le domaine chiffré, en fait. Ce qui doit être réalisé dans le domaine chiffré, donc c'est finalement des traitements qui sont beaucoup plus simples, qui relèvent plus de calculs de distance, dont la simplicité, en fait, les rend accessibles au chiffrement homomorphe, puisqu'un des principaux verrous en termes d'application de la cryptographie homomorphe, c'est un verrou de performance. C'est-à-dire que travailler dans le domaine chiffré coûte beaucoup plus cher que travailler dans le domaine clair avec les opérateurs de calcul usuels. Et donc, on a besoin de déployer des trésors d'ingéniosité pour arriver finalement à n'évaluer dans le domaine chiffré que ce qui est réellement nécessaire de l'être et de le faire de la manière la plus optimisée possible. Alors, si on devait se mettre en situation, je crois que vous aviez pensé, et vous avez pensé à une situation qui met en relation un employeur, son employé et un tiers pour finalement arbitrer cet échange de données biométriques. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu cette situation-là, cet exemple-là de cas pratique? Oui, donc, effectivement, le cas d'usage qu'on avait, sur lequel on a fait un certain nombre d'essais, donc c'est celui d'un employeur qui voudrait donc déployer de l'authentification biométrique, par exemple pour de l'accès à des zones sensibles ou de l'accès à des bureaux. Donc, les employés n'ont pas forcément envie que leurs références biométriques, qui sont des données sensibles, soient visibles et potentiellement exploitables par leur employeur. Et de la même manière, l'employeur n'a pas envie particulièrement de stocker ces données-là, parce que en cas de compromission ou d'attaque de son serveur et d'exfiltration de ses données, ça peut être un gros problème pour lui, comme ça l'a été pour le département de la défense américain il y a quelques années. Donc du coup, on a imaginé en fait un jeu qui se joue à trois, donc avec un tiers de confiance qui est responsable de la génération et du stockage des clés, un employeur qui donc opère un serveur sur lequel les références vont être stocké avec de la cryptographie homomorphe et manipulé dans le domaine chiffré, donc manipulé en aveugle, et donc un employé qui va récupérer en fait une clé de chiffrement auprès donc du responsable des clés et l'utiliser par exemple chez lui pour chiffrer sa référence biométrique qui va ensuite envoyer à l'employeur. Donc l'intérêt de ce type d'architecture, c'est que finalement les rôles sont bien séparés, c'est-à-dire que l'entité en fait qui possède les clés de chiffrement et de déchiffrement n'a pas accès aux données, et donc l'employeur, lui, qui a les références biométriques chiffrées, n'est pas doté d'une quelconque capacité de déchiffrement. Donc ça permet de construire des architectures assez propres dans lesquelles les responsabilités sont bien partagées et bien identifiées. Et on comprend bien que si un pirate a l'idée de venir voler ses données, ce à quoi il aura accès, ce sera uniquement des clés chiffrées et rien de plus. Voilà, des données chiffrées, et donc il lui faudra soit attaquer une seconde entité pour essayer de voler la clé de déchiffrement, ou alors attaquer la cryptographie en frontale, mais donc ça, c'est une tâche computationnellement difficile, comme on dit dans notre jargon. Alors, les limites, donc il faut bien avoir conscience effectivement des problèmes qui sont résolus par la cryptographie homomorphe, et la cryptographie homomorphe ne va résoudre que des problèmes de confidentialité en lien donc avec cette donnée biométrique et relativement à des menaces qui proviennent du serveur, encore une fois. Si la menace qui est considérée, c'est d'essayer d'empêcher que les zones d'accès sensibles soient ouvertes à tout bout de champ, la cryptographie homomorphe n'apporte pas de réponse à ce cas-là. Donc la cryptographie homomorphe, il faut vraiment le voir comme une contre-mesure à certains types de menaces, et elle viendra éventuellement contribuer à une architecture de sécurité plus globale qui adressera l'ensemble des menaces qui pèsent sur le système. En termes de promesses, donc on travaille beaucoup sur les liens en fait entre cryptographie homomorphe et système d'intelligence artificielle, et en particulier système à base de réseaux de neurones. Donc on est plusieurs équipes aujourd'hui à essayer de travailler là-dessus et à essayer donc d'implémenter la promesse de la cryptographie homomorphe sur des systèmes beaucoup plus sophistiqués, de ce type-là, et évidemment donc avec des applications intéressantes à la fois en authentification et peut-être aussi en identification à base donc de biométrie. Hein. Voilà le reportage du jour sur ces techniques de cryptographie homomorphe. Un mot très rapide peut-être, Christophe Rosenberger, parce qu'il nous reste peu de temps, à propos de ces différentes techniques de chiffrement. On a fait plusieurs émissions sur la cryptographie ici, et la première chose que l'on dit à chaque début d'émission sur la cryptographie, c'est qu'il n'y a aucune méthode de cryptographie qui est sûre à 100%. Non, c'est le principe de la sécurité, hein. En fait, on a toujours une faille possible, et évidemment, on essaie de mettre en place des outils qui vont essayer de limiter au maximum un certain nombre de failles, hein, sur notamment le risque de se tromper lors d'une authentification d'une personne. Donc ça, c'est une évidence. Et donc la cryptographie homomorphique, c'est quelque chose qui peut être évidemment intéressant. Il y a encore des soucis sur la taille des données qu'on va générer sur le chiffrement qui limite un peu l'usage, mais ça reste l'avenir dans la protection. Oui. Vous travaillez personnellement sur une autre technique qui s'appelle la biométrie révocable. Peut-être pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, bon, en fait, moi je travaille sur d'autres techniques qui vont consister à transformer les données biométriques en entrée en des codes binaires, hein, avec une clé. Et en fait, l'intérêt de ces schémas, c'est que même connaissant la clé, on ne peut pas remonter à la donnée initiale. Donc c'est une transformation qui est non inversible, c'est-à-dire qu'on peut pas remonter à cette donnée initiale. Et donc l'avantage, c'est qu'on a des codes binaires qui peuvent être diversifiés pour différentes applications et qui permettent de faire de l'authentification en comparant juste les codes binaires. Donc ça, c'est des choses lesquelles on travaille, hein, avec des industriels, de nombreux industriels, pour des tâches d'authentification principalement. Ouais. Alors évidemment, pour toutes les raisons que nous avons ont cités jusqu'à présent, on comprend que les enjeux de sécurité autour de ces données biométriques sont extrêmement importantes. Et pourtant, dans à peu près tous les pays qui ont tenté des généralisations de leur emploi, eh bien, il y a eu des fuites, il y a eu des piratages. Vous évoquiez tout à l'heure, Amine Naïtali, le système Aadhaar en Inde, hein, qui recense l'intégralité de la population indienne et qui lie des données biométriques à leurs données d'identité. Il a été piraté par un hacker français, d'ailleurs, Baptiste Robert, qui a récupéré des infos personnelles de 20 000 personnes en 3 heures. En Grande-Bretagne, en août dernier, les empreintes digitales et les informations faciales d'un million de personnes ont été exposées. Il s'est passé des choses similaires en Chine. Malgré tous les efforts que l'on déploie, ces données-là sont des données fragiles qui peuvent être détournées. Quelle est la solution? Y en a-t-il une, Amine Naïtali? Alors, est-ce qu'on peut parler de solution? En fait, il faut parler surtout de failles, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de failles. En fait, soit on peut parler d'attaques externes, donc extérieures, ou plutôt en fait des failles en interne. Donc, on sait très bien que ces bases de données, en fait, ou ces systèmes Aadhaar, ça a été développé par des gens, par des êtres humains. Donc la faille est humaine. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure. La faille dans la donnée biométrique. Il faut responsabiliser et identifier en fait l'origine de la faille. L'erreur zéro n'existe pas, mais ceci dit, en fait, on dispose quand même actuellement de méthodes qui sont très très robustes pour sécuriser les données. En fait, juste quelque chose par rapport à ce qu'a dit Christophe, notamment en fait, il y a des approches en fait, notamment de hashing. Et je pense que Christophe là, il a tellement travailler sur cela, là où qui consiste à coder en fait une information et vous n'avez pas la possibilité de revenir sur l'image ou plutôt la donnée biométrique initiale. Donc voilà, sur cette question de faille, notamment dans les grosses bases de données, la faille existe, l'erreur zéro, voilà, ce n'est pas possible. Ça va être un exemple pour nous, hein, justement. Christophe Rosenberger, un mot de conclusion sur ces diverses failles et puis sur la généralisation de l'utilisation de ces données biométriques qui est vraisemblablement relativement inévitable. Alors, est-ce qu'il faut l'éviter? Est-ce que ces failles sont justement une leçon pour dire qu'il est peut-être encore trop tôt, que nos possibilités techniques de protection ne sont pas encore suffisamment au point pour pouvoir généraliser ces emplois? Qu'en pensez-vous? Je pense que de toute façon, effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser au niveau international sur des applications diverses et variées, que ce soit le contrôle frontières, que ce soit dans l'intérieur des pays pour contrôler l'identité des personnes. Bon, je pense que ça, c'est inéluctable. La biométrie peut rendre des grands services. Évidemment, il faut faire évidemment très attention. Bon, il y a un cadre juridique avec la RGPD. Il y a de nouvelles techniques qui permettent de pouvoir stocker des données biométriques de façon protégée. Je pense que dans le cas d'Aadhaar, c'était du chiffrement classique qui a été utilisé. Donc, on est sur des techniques, on va dire, qui n'ont pas été dédiées pour de la biométrie. Donc, il y a une recherche active sur le sujet qui prend en compte non seulement la performance, mais qui prend aussi la protection de la vie privée. Donc, je pense que c'est possible. Évidemment, il faut faire très attention. Donc, je pense que c'est comme pas mal de sujets. Ça peut être très utile, mais à condition de faire très attention. Et je pense que malgré tout, il y a une bonne connaissance des risques qui sont associés à l'usage de la biométrie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe Rosenberger, merci Amine Naïtali, merci également à Simon Caquet d'être venu nous présenter ses travaux de recherche. Merci à nos camarades de France Bleu Normandie à Caen pour le duplex. Je vous renvoie évidemment à l'autre émission, parmi tant d'autres, mais une émission entière que nous avions consacrée à la question de la protection de ces données personnelles que nous avions intitulée « Souriez, vous êtes traqué ». On vous a mis le lien sur le fil Twitter et on abordait évidemment toute une autre question, notamment un certain nombre de problématiques éthiques qui n'étaient pas l'objet de cette émission aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Frédéric aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons posture, comment sommes-nous passés d'espèces arboricoles, utilisant également pieds et mains préhensiles à des animaux debout, ne marchant plus que sur deux pieds, quand Homo devint bipède. C'est notre programme demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.